suis-moi. Nous partirons du côté de la colonie de la Korg. Ami, crois-moi, la force de l'amitié sera notre fortune. Vas-y, apprends dans les sports, le ménage, vois les efforts. On aura bien le temps de se poser ce soir. Allez, bout de la ceinture, on part à l'aventure dans cet univers de gravure. Amis, suis-moi, nous partirons du côté de la colonie de la Korg. Amis, crois-moi, la force de l'amitié sera notre fortune. Chacun mis sous son talent, de leader ou d'artisan, d'explorateur qui affronte les vents. Tu vois ça, c'est fantastique, quand tout le monde participe, ça donne du courage à l'équipe. Amis, suis-moi, nous partirons du côté de la colonie de la Korg. Amis, crois-moi, la force de l'amitié sera notre fortune. Il nous faut en travailler, à chaque jour se dépasser. Alors le monde est maintenant des défis. Et je te jure que tous ensemble, on pourra réussir à vivre un été de plaisir. Amis, suis-moi, nous partirons du côté de la colonie de la Korg. Crois-moi, la porte de l'amitié sera notre fortune.